بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابة من تبع أثارهم كفما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأخذنا أمس توحيد الأسماء والصفات on peut l'appeler aussi comment توحيد الذات نعم يعني ما تعلق بذات الله عز وجل يعني للشوز كي سون ليه الله سبحانه وتعالى على نفسه ومن ذلك الأسماء والصفات نعم فالقارئ المسلم نسكيلي دون كتاب الله هو أن تخبر الله سبحانه وتعالى وأنه إذا هو عنده بان كومبورتمون يعني on avait évoqué par quatre choses نعم يثبتها بدون تمثيل نعم ensuite النفي بدون تعطيل نعم c'est-à-dire quoi يعني بدون تعطيل sans néant يعني nécessairement si Allah سبحانه وتعالى il s'est interdit une chose ou alors il ne s'est pas attribué une chose il s'est forcément attribué son inverse son inverse il s'est affirmé pas donc c'est ça t'as وكذلك بدون بدون تكييف تكييف يعني c'est سؤال عن الكيفية سؤال عن الكيفية comment est la chose يعني فهذا كذلك on n'a pas rentré dedans et le dernier c'est بدون تأويل بدون تأويل en vérité c'est mieux d'appeler ça comment تحريف en fait le تأويل Comme ils ont dit les ulama, si jamais on regarde dans le kitab Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que le ta'wil, il a deux sens. La yakhruj han ma'nayen. Il ne sort pas de deux sens. Le premier qui est al-tafsir. Tam. Wa ma nahnu bi ta'wil al-ahlami bi'alimin. Comme il dit subhanahu wa ta'ala dans le surat Yusuf. Wa ma nahnu bi ta'wil al-ahlami bi'alimin. Yani ta'wil al-ahlami, on ne connaît pas le tafsir des rêves. Tam. فهنا يعني الاسبيكاسيون كذلك الحديث اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس الذي جسى ابن عباس رضي الله عنهما كالله عز وجل له يعني فقيه في الدين ويعلمه التأويل il lui apprend le تأويل يعني كي هي le تفسير et le deuxième sens c'est حقيقة ما يقول إليه الأمر يعني c'est de connaître يعني la chose يعني véritablement comme elle est c'est pour ça الله عز وجل il dit في كتابه ولا يعلم تأويله إلا الله Et seul Allah subhanahu wa ta'ala en connaît la véritable connaissance et l'akhiri. Enfin, ils ont dit les ulama, lorsqu'on regarde dans le kitab Allah azza wa jalla, dans le nusus, on voit que le ta'wil ne sort pas de ces deux sens-là. Et ceux qui ont apporté le troisième sens, yani, qui est ta'wil bimana, yani, le fait de modifier l'interprétation, comme on dit. Enfin, fil haqiqa hadha, c'est un ishtilah, yani, c'est-à-dire que c'est un sens, un conventionnel qui est propre à certains des ulama. C'est un sens conventionnel. C'est comme مثلا, lorsqu'ils disent dans le Anahu, ils disent مثلا, le marfou'. Le marfou', c'est un sens yani, bien voulu chez eux. C'est pas la chose qui est élevée, yani, la chose qui se finit par une dhamma ou bien la chose qui remplace la dhamma. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Ahlul Bida'. Parce que c'est ma'rouf Ahlul Bida'. Pour faire passer leur Bida', ils sont obligés de ramener Kalimat al-Haq ou Rida Bihal Batil. Ils ramènent une Kalimat yani, qui est vraie, qui a un sens qui est honorable dans la religion, mais lakin, ils cherchent par rapport à travers Rasulallah le batil. Comme ils ont fait avec le riba, ils ont appelé ça fa'ida, ils ont appelé ça ribh il-akhirihi. Kalimat haq, yani ribh, tout le monde veut le ribh. Mais tout le monde veut la fa'ida. Lakin, arada bidalika al-batil, c'est-à-dire de faire entrer les gens dans le riba. Fa'aoula kadalika, la même chose. C'est-à-dire lorsqu'ils se sont trouvés en face des sifats, et qu'ils n'ont pas eu le comportement qu'Allah subhanahu wa ta'ala a demandé d'avoir, c'est-à-dire les quatre choses qu'on a évoquées. Eux, ils ont pensé que si jamais on attribue ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est attribué dans le kitab ou bien dans la sunna, yani ça implique le atamthil. Ils ont pensé ça directement. Si jamais Allah azza wa jal asbata li nafsi ar-rahma, donc ça veut dire que la rahma c'est celle qui est présente yani, chez les mahlouk. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, yani, ces sifat-là, dans lesquelles, yani, d'apparence, on pense qu'il y a un tamthil, il faut qu'on les awwal. Il faut qu'on leur donne un tafsir. Lakin, là, il n'y a pas besoin de donner un tafsir. Donc, ils ont appelé ça ta'wil. Lakin, fil haqiqa, ils ont voulu faire un tafsir. Lakin, ce tafsir-là, il s'est avéré que c'est une modification, c'est plus un tafsir. C'est-à-dire ils ont modifié les sens. Et lorsqu'on modifie un sens, on n'appelle pas ça ta'wil. On appelle ça tahrif. C'est pour ça après il évoque l'imam Ibn Abil'iz rahimahullah ta'ala, celui qui a fait le charh de At-Tahawiyya, Aqidat At-Tahawiyya, il dit que les Ahlul Bida' ils ont appelé leur tahrif ta'wilan, afin de faire passer la marchandise, comme on dit. Pour que les gens l'acceptent. Tu vois? Donc, c'est pour ça que certains de ulama maintenant, yani, ils ont repris le terme. Mais ils ajoutent à cela, yani, ils disent Al-Ash'ari, ils ont fait un ta'wil batil. Ils rajoutent cette sifat-là pour dire que c'est une interprétation ou bien une explication qui est fausse. La base bihi. Si jamais tu dis, مثلاً, bidouni ta'wil batil, yani, par rapport aux choses qu'on avait évoquées hier, si on rajoute batil, la base. Al-ta'wil al-batil, bimana al-tahrif. Donc, ce qui est voulu ici, c'est at-tahrif. Bidouni, bidouni tahrif. Isbatun, bidouni tahrif. On attribue ce qu'Allah Azzawajal a attribué, lakin, sans modifier. Lakin, il peut avoir un tafsir, il peut avoir un ta'wil, il peut avoir un. De toute façon, les sifat d'Allah Azzawajal, ils ont un ta'wil, ils ont une explication, ils ont une ma'na. Lakin, at-tahrif, c'est-à-dire qu'il modifie le sens de ces attributs qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est attribué. Donc là, c'est plus un tafsir. فهذا كله لا يجوز كل هذا لا يجوز نعم ça c'est من باب الاختصار وإلا إن شاء الله تبارك وتعالى هذا c'est il étudie يعني بشكل أوسع يعني في العقيدة لكن هذا هو الأدب المطلوب في ذلك نعم on avait évoqué quelques faïdas يعني par rapport à الأسماء الحسنى par rapport à la ayah ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها comment on fait pour savoir si on tombe sur un nom que ce nom-là, c'est un nom qui est parfait. Tawqifi, attribué à Allah Azzawajal par le kitab et la sunna. Qu'il est forcément une sifa. Une sifa qui est parfaite, sans manque ou défaut. Naham. Et la quatrième, c'est que adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec, yani on fait son éloge, on le complimente, on glorifie, etc. avec ce nom-là. Non, exactement. Yani, Asma Madaih. Madaih. Madaih. Tu peux dire les deux. Madaih ou Madaih. Les deux, tu peux dire. Ça, kullu dhalika, ça fait partie des dawabit qui nous permettent de reconnaître si jamais le nom il est husna ou pas. Fad'uhu biha, on a évoqué kadhalika. Que ça se divise en deux. Non. Dua, masala. Lorsqu'on demande une chose à Allah subhanahu wa ta'ala, min al-adab, yani on demande avec le nom qui correspond à la demande. À la demande, exactement, c'est ça. Yani on évoque le nom qui correspond à la demande. Et le deuxième ? Le deuxième, c'est dua al-ibada. C'est-à-dire que par exemple, le rabbi, il nous surveille, alors ça va nous pousser à nous écarter des péchés. Non, exactement. Allahu. Ça, c'était en khulasa, ce qu'on avait pu voir dans le dars, par rapport au tawhid, al-asma wa sifat. Qala rahimahullah ta'ala, qala didd at-tawhid ash-shirk. Na'am. Didd at-tawhid ash-shirk, ça, c'est lughatan et shar'an. Lughatan wa shar'an. L'inverse du tawhid, c'est shirk. Billahi azza wa jal. فالشرك بالله سبحانه وتعالى في الشرع يعني من حيث العموم باسكو واخ كذلك يعني كم التوحيد كم التوحيد الى ثلاثه اقسام كذلك الشرك كذلك يبقى avoir les trois اقسام تمام دون الالوهيه الربوبيه والاسماء والصفات كذلك لكن من حيث العموم كما on a pu voir aussi avec tawhid on a donné une définition من حيث العموم de manière générale يعني global qui englobe les trois catégories فكذلك في الشرك كذلك في الشرك ف التعريف الجيد c'est ce qu'a évoqué l'imam Cheikh l'Islam rahimahullah ta'ala Ibn Taymiyyah rahimahullah il a dit rahimahullah man adala billahi ghayra Allah fi ma ikhtassa bihi fa huwa mushrik celui qui a donné un égard à Allah subhanahu wa ta'ala dans les choses qui lui sont propres à lui donc c'est les aqsam al-thalatha min at-tawhid qala faqad ashraka donc c'est un mushrik billah subhanahu wa ta'ala c'est un mushrik billah fa hadha huwa ou La définition qui est aussi beaucoup propagée, taswiyat ghayrillahi billah fi ma ikhtassa bihi al-ilah. تسويته غير الله بالله في مختص به الى سلام même chose. C'est le même sens. Et juste le premier, on l'a évoqué parce que voilà, c'est la parole de Cheikh al-Islam rahimahullah ta'ala. Et sa parole elle a un pouvoir beaucoup plus lourd que certaines d'autres paroles. Ou sinon c'est la même chose, yani. C'est la même chose. Il a évoqué aussi كذلك زاد على ذلك الشيخ ابن قيم رحمه الله الامام ابن قيم رحمه الله. Il a montré que le shirk il peut rentrer dans trois aspects. Dans l'i'tiqadat, dans l'al-maqasid et dans l'alfaz. Dans les termes, comme celui qui a dit Masha'Allah wa shi'ta. Fi l'i'tiqadat, comme celui qui a taqid anna ghayra Allah yarzuq ila akhirihi. Ou bien qu'un autre a le meilleur aspect que, comment s'appelle, l'attribut qu'Allah Azza wa Jal, l'akhiri. Fi l'i'tiqadat, qala wa kadalika fi l'maqasid, c'est-à-dire dans l'ibada, dans les intentions. Une intention à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ila akhiri. Fa ash-shirk yani yadkhul fi hadhihi al-thalatha kama dhakara dhalika Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala fi a'lam al-muwaqqi'in fima adhkur. Naham. Ouais. Ça doit être dans les intentions. Oui, dans l'intention. On dit pas. Alors ici, on va pas parler membres. Si, pareil. Pareil, c'est pareil. Mais comme le cerveau des membres, c'est le cœur, c'est le al-niyya. C'est-à-dire, comme il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu bi-niyyat. C'est-à-dire qu'avant qu'il fasse le sujoud, il avait l'intention de le faire. Donc ce sujoud-là qu'il a fait, il est ghayr Allahi azza wa jalla, yani même si ses membres aussi, yani, il s'est prosterné pour autre qu'Allah, lakin. Qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça? C'est l'intention. Parce que tout part de là, tout part de al-niyya. Innamal a'malu bi-niyyat. Hatta qala al-ulama, ma'na hadha al-hadith, c'est-à-dire qu'on ne peut trouver une œuvre sans niyya. Toute personne qui œuvre est intentionnée. Toute personne qui œuvre a certes intentionné. Donc c'est pour ça qu'en vérité, fil haqiqa, on n'a pas besoin de ramener fil amal parce que ça revient à la niya. Parce que al amal, l'œuvre ne peut pas être présente sans niya. C'est impossible. Donc Yanni, sa définition, elle est juste et elle est mortasara. C'est un bon résumé. Celle de Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. فهذا هو الشرك الشرك من حيث العموم تسوية غير الله بالله فيما اختص به الإله et ça rentre dans l'alphaz dans le maqasid et dans l'i'tiqadat نعم كما ذكر ذلك العلماء ثم قال هنا قال وهو ثلاثة أنواع قال الشرك أكبر الشرك أصغر والشرك خفي في الحقيقة هذا التقسيم ils auraient dû plutôt يعني dire يعني là وهو ثلاثة أنواع commencer déjà de dire al-shirk fi al-rububiyya al-shirk fi al-asma wa al-sifat wa al-shirk fi al-uluhiyya comme on a pu voir comme le tawhid yanqasim ila thalatha fa kadhalika le shirk il va rentrer dans les trois aspects lakin le taqsim qui est connu chez les ulama par rapport au shirk ils disent al-shirk yanqasim ila qismayn shirk akbar wa shirk asghar et le shirk al-akbar ou bien l'asghar, il peut rentrer dans l'asma ou l'asifat, dans l'uluhiyya ou bien tawhid al-rububiyya. Donc ils auraient dû dire al-shirku huwa nawhan shirkun akbar ou shirkun asghar. Et ces deux aspects de shirk, ils rentrent dans les trois catégories. Dans l'rububiyya, dans l'asma ou l'asifat et dans l'uluhiyya. Hada huwa sahih. Amma shirku khafi, ça c'est une sifa. Parce qu'il y a du shirk qui est zahir et il y a du shirk qui est quoi? Qui est khafi, comme les intentions, comme al-riya, c'est le haqiqa, le shirk al-khafi, c'est pas un qism à part, c'est une sifa, c'est un aspect du shirk. Le shirk al-akbar il peut être khafi, il peut être zahir. Le shirk al-asghar, il peut être khafi, il peut être zahir. C'est pour ça que ce qism là, shirk al-khafi, le haqiqa, c'est pas un qism. Wa innama التوحيد ينقسم إلى قسمين شرك أكبر وشرك أصغر والأكبر وأصغر كلاهما يدخلان بيدخل أسباب بتوحيد الربوبية أولوهية والأسماء والصفات هذا هو صحيح أما الشرك الخفي هذا سن صفة كم سي عن أسباب سي عن كاليفيكاتيف يعني هذا سيبقى صحيح يعني أقوال العلماء معروف في ذلك نعم يعني. قال رحمه الله تعالى قال النوع الأول وفي الحقيقة هذا الفصل يعني يحتاج إلى تعديل جدا et ça je sais pas d'où il a pris ça je sais pas d'où il a pris celui qui a réuni les textes là في الحقيقة هنا يعني c'est pas trop جيد au niveau du tartib parce que là il va ramener plusieurs aspects du shirk qui rentrent dans le shirk et l'ibada. Shirk et l'ibada, tu peux pas, yani, tu peux pas, ça rentre dans tous les ibadas. Les ibadas sont au nombre de combien? Il y en a beaucoup. Donc là, il va dire, yani, il y en a je ne sais pas combien là. Il va en évoquer 4-5, c'est plus. Parce que tout ça, il est en train de parler du shirk fi l'ibada. Ou l'ibada kathira sont jiddan. Salah, zakah. Al-muhim, yani, fi hadha al-fasl, yani, min haythu, par rapport aux catégories qu'il a évoquées, fil haqqaqa, ça. Je pense que ça, c'est un ijtihad de lui, que ça ne vient pas des paroles de Cheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala. Ou bien ça vient des paroles de Cheikh al-Islam, mais je dis, lakin ne les a pas évoquées yani, de cette manière-là. Yani, pour nous faire comprendre comment s'appelle le shirk. C'est impossible. C'est impossible. Ça se voit que c'est pas le travail de l'imam al-da'wa. C'est impossible. Non. قال النوع الأول قال من أنواع ها؟ هذا هو كلام من أنواع ها؟ هذا هو كلام من أنواع ها؟ هذا هو كلام من أنواع ها؟ هذا هو كلام من أنواع ها؟ هذا هو كلام من أنواع ها؟ هذا هو كلام من أنواع ها؟ هذا هو كلام من أنواع ها؟ هذا هو كلام من أنواع ها؟ هذا هو كلام من أنواع ها؟ هذا هو كلام من أنواع ها؟ هذا هو كلام من أنواع ها؟ هذا هو كلام من أنواع ها؟ هذا هو كلام من أنواع ها؟ هذا هو Il n'a pas un jugement yani, à part entière. Le shirk al-akbar, il a un jugement à part entière. Celui qui le fait, il sort de l'islam. Le shirk al-asghar, il a un jugement à part entière. Celui qui le fait, ne sort pas de l'islam. Le shirk al-khafi, il n'a pas de jugement à part entière. C'est-à-dire, ça dépend. Si jamais ce shirk khafi, c'est shirk akbar, eh ben, il sort de l'islam. Si jamais ce shirk khafi, c'est du shirk asghar, ben, il sort pas de l'islam. Donc, il revient à un des deux. Tu vois? Il revient à un des deux. C'est pour ça que, fil al-haqiqa, ça c'est san ijtihad, lakin fil al-haqiqa, c'est pas sahih. التوحيدو ينقسم إلى قسمين هذا هو القول من بعض العلماء السلسلة قول صحيح أما الشرك الخفي هذا اجتهاد هذا اجتهاد وليس بصحيح c'est pas un قسم à part entière ensuite il va évoquer des أنواع il va dire يعني الشرك الأكبر أربعة أنواع ça c'est pas صحيح ce qu'il va évoquer après là ça c'est pas صحيح dans le sens où il y en a beaucoup plus que ça نعم Donc ça c'est pas possible, je ne sais pas où il a pris Tawallah Alam. Je ne sais pas où il a pris. Qui vient après, voilà. قال رحمه الله تعالى قال النوع الأول من أنواع الشرك الأكبر قال لا يغفره سبحانه وتعالى كما قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به وهذا في الحقيقة كما on a pu le voir, ça rentre aussi dedans le shirk al-asghar. On a pu voir يعني la part des ulama, la divergence qu'il y avait à ce sujet-là. Est-ce que le shirk al-asghar, Allah subhanahu wa ta'ala le pardonne ou pas? As-sahih, c'est qu'il ne le pardonne pas, comme on a pu voir par rapport à l'ayat. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Et ça, c'est âme. Ça englobe les deux catégories du shirk, al-akbar ou al-asghar. Celui qui meurt sur cela, Allah azza wa jal, il ne le pardonne pas. Hada huwa as-sahih, na'am. Amma shirk al-akbar, hada bittifaq. Il n'y a pas de divergence. Qala wa la yaqbal ma'ahu amalan saliha. Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas. Yani l'œuvre de cette personne qui est associée. Et ça, que ce soit le shirk al-asghar ou al-akbar, les deux. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك من أشرك معي غيري تركته وشركه. أنا أغنى الشركاء عن الشرك. الله سبحانه وتعالى n'accepte pas le qu'on lui associe. Et il a dit celui qui fait cela تركته وشركه. Je le délaisse. Et aussi كذلك Je délaisse l'adoration par laquelle il m'a associé. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas l'adoration dans laquelle il y a eu du shirk, que ce soit akbar ou bien asghar. Lakin al-shirk al-asghar, il annule yani, cette adoration dans laquelle il y a eu du riya, il y a eu de l'ostentation. Mais il annule pas jami' al-amal, toutes les œuvres. Amma al-shirk al-akbar, il annule cette œuvre-là et il annule kadhalika les autres œuvres. Celui qui a fait une salah dans laquelle il a un hassana amala, ou afhala, il a embelli ses gestes yani, pour une personne, pour qu'on dise, mashallah, yani, il prie bien par ostentation, yani, barriya, bah, sa salat, elle est batila. La salat qu'il a prié avant, ou les salawat qu'il a prié avant, ne sont pas batila. لكن celle qu'il a fait avec l'ostentation, بالرياء, فهذه هي باطلة. أما الشرك الأكبر, si jamais il fait الشرك الأكبر, il intentionne autre qu'Allah عز وجل بهذه الصلاة,